Tu t'appelles Elisabeth. Mais tout le monde t'appelle Zaza, Babette ou Babou. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat, Jeff de Bruges? Eh oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat. À partir de 13 euros l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir a un nom et un prénom. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, bougez plus. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Landru et le chemin des dames. C'était au temps de la Grande Guerre et des tranchées. Mais là, ni canon, ni régiment, ni sanglots. Non, juste un homme. Un monsieur à la barbe bien taillée et au costume étriqué, dont la vie et la fortune, selon ses dires, étaient florissantes. Elles furent 10 femmes âgées de 19 à 55 ans à disparaître entre 1915 et 1918, après avoir croisé cet homme. L'une d'entre elles était venue avec son enfant, alors âgé de 17 ans. Certaines étaient veuves, d'autres fiancées. En tout, 11 victimes, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Ces dames sont toutes tombées sous le charme et dans les bras de ce Henri-Désiré Landru, mais elles ne l'ont jamais connu sous ce patronyme. Pour elles, il se nommait Monsieur Frémet, Dupont, Guillet, Diard, j'en passe. À leurs yeux, il était industriel, garagiste, ingénieur, fabricant de fléchettes. J'en passe encore. Il avait de l'argent, une auto, parfois du personnel. Il vivait à Paris, mais avait une maison dans la campagne environnante. Et c'est là, à l'abri des regards, que les silhouettes de ces femmes et de cet adolescent se sont évanouies, parties en fumée. Notre invité aujourd'hui, Gilbert Thil, ancien juge d'instruction, fin connaisseur du dossier, il l'évoque dans son livre « Tueur en série, Made in France ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Jean Bulot, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation David Leprince. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Janvier 1919, Gambet, aux confins de la forêt de Rambouillet. Au courrier du maire de cette ville du département de Seine-et-Oise, une lettre mystérieuse vient d'être apportée. Elle est signée d'une femme désespérée. Monsieur le maire, vous avez dans votre commune une maison que l'on appelle Maison Tric, du nom du propriétaire. Cette maison a été louée en 1917 à un monsieur d'environ 50 ans, qui porte une longue barbe brune et qui se donne comme nom Monsieur Frémier. Ce monsieur a habité une bonne partie de l'été 1917 avec une femme de 47 ans, les yeux bleus et les cheveux châtain clair, taille moyenne. À la suite de ce séjour, cette femme a complètement disparu. Le monsieur en question, au mois d'octobre 1917, est venu à Paris vendre tous les meubles de cette femme. Moi, monsieur le maire, qui suis sa propre sœur et qui suis venue au 15 août 1917 à Gambet, je viens vous demander si ma sœur n'a pas été enterrée officiellement dans votre pays. Avec l'espoir, Marie Lacoste. À Gambet, tout le monde connaît cette villa située à l'extrémité de la ville. Elle est louée par un ingénieur électricien de la capitale qui en a fait sa maison de campagne. Ses passages sont succincts, discrets. Les volets sont souvent clos, même quand la cheminée rejette de la fumée. Des feux qui font beaucoup parler, car l'odeur qui les accompagne est nauséabonde et empeste les alentours. Dans le village, personne ne connaît vraiment ce locataire qui se fait appeler Dupont. Est-il marié? A-t-il des enfants? Apparemment non. En tout cas, quand il est de passage, M. Dupont est toujours accompagné d'une femme. Pas toujours la même d'ailleurs, et en général, plutôt de belles femmes, selon le voisinage. Ce n'est pas la première lettre inquiète que la mairie reçoit. En 1917, une autre femme a écrit à plusieurs reprises. Elle aussi cherchait sa sœur, Anna Collomb, qui devait se marier avec un locataire de cette même villa. Mais le mariage n'a jamais eu lieu, et pour cause, la promise n'a plus donné signe de vie. Nous étions aussi unis que possible. Il est inconcevable que volontairement, elle ne veuille plus nous voir et nous écrire. Quelques jours avant Noël, elle avait retiré de la banque l'argent qu'elle y avait placé. Personnellement, Je crains qu'un malheur ne soit arrivé à ma sœur, qu'elle n'ait été le jouet de ce personnage d'une façon ou d'une autre, et que nous n'arriverons jamais à découvrir ce qu'elle est devenue. C'était un homme de 48 à 50 ans, portant une forte moustache et une barbe brune. Instruit et beau parleur, mais n'aimant voir personne. Madame Pelat. Le maire de Gambé prend alors la plume et met en contact ces deux femmes. Elles se rencontrent et déposent deux plaintes. Le parquet ouvre une enquête. Le 16 mars 1919, un gendarme à cheval se rend à Gambé afin de se faire une conviction. Il note les témoignages sur cet inconnu au nom divers et aux adresses multiples. Il retranscrit les interrogations du village et le détail sur les fumées. La Sûreté Générale est alertée et c'est ainsi que l'affaire des disparus de Gambé arrive sur le bureau des brigades régionales de la police mobile, connue également sous le nom des brigades du Tigre, les fameuses brigades du Tigre. Créées en 1907 par Clémenceau, elles sont en quelque sorte l'ancêtre de la police judiciaire. Modernes, équipées de téléphones, d'automobiles et de moyens importants, les meilleurs inspecteurs y travaillent. Parmi eux, Jules Belin, 35 ans. C'est à lui qu'on confie ce drôle de dossier. Je reçois un dossier concernant la disparition mystérieuse en 1916 de deux Parisiennes, mesdames Collomb et Buisson. Je me suis toujours méfié des romans feuilletons. Mais tout de même, il est bien vrai qu'il naît au cours des guerres de monstrueuses affaires criminelles. L'Alsacien Troppmann, en 1870, a abattu dans la plaine de Pantin une famille de 7 personnes pour les dévaliser. Je me mets donc immédiatement en campagne, muni du seul signalement de Landru. Contrairement à ses chefs, l'inspecteur Belin a l'intuition qu'il ne s'agit pas d'une simple affaire d'argent, mais de sang. Il se met alors à la recherche de cet homme à la barbe. Mais comment traquer un mensonge? Et par où commencer? Le lundi 7 avril 1919, la chance lui vient en secours. Ce jour-là, en fin de journée, rue de Rivoli, Madame Bonnour, amie de Madame Lacoste, fait ses emplettes. Et là, elle le voit, oui. C'est bien l'homme barbu dont son amie était éperdue et dont elle n'a plus de nouvelles. Oui, il est bien là, devant elle, au bras d'une femme bien plus jeune que lui. Alors elle les suit. Ils entrent au Lion de Faïence, un magasin de vaisselle. Madame Bonnour aussi. Elle tend l'oreille. Le couple commande un service. Dès lors, elle court à la recherche d'un poste téléphonique pour rejoindre le siège de la brigade du Tigre. Monsieur Belin, vite, c'est urgent. Immédiatement, l'inspecteur se rend au magasin. Mais quand il arrive sur place, les portes sont closes. Qu'importe. Il trouve l'adresse du commerçant, puis du vendeur présent au comptoir, et le ramène rue de Rivoli afin de consulter les cahiers de bons de commande. Et là, un nom ressort. Celui de Lucien Guy, domicilié au premier étage du 76 rue de Rochechouart, Paris 9e. Alors que la ville dort, Belin s'y rend. Aucune lumière ne s'échappe des appartements de l'immeuble. L'inspecteur patiente. Vers 6h du matin, le concierge se réveille. Alors le policier interroge sur son locataire. « Guillet, vous dites. Ah, il est parti hier soir avec quelques bagages accompagné de madame. » Raté. Quelques jours plus tard, le 11 avril, en rentrant de soirée, Jules Belin décide de faire un détour par le 76 rue de Rochechouart. Au cas où, qui sait. Devant cet immeuble, mon cœur se mit violemment à battre lorsque j'aperçus de la lumière qui filtrait à travers les persiennes de l'appartement du soi-disant Guillet, 6 au premier étage. Pour pénétrer chez Guillet, il me fallait, en vertu de la loi, attendre le jour. Je monte la garde sur le trottoir, puis en accord avec le concierge, je pénètre dans l'immeuble. Il est 2h du matin, je m'installe sur le paillasson de Guillet, de cette façon pensais-je, si je m'endors et si Guy a l'intention de s'enfuir avant le jour, il lui faut ouvrir la porte et me passer sur le corps. Puis au petit jour, c'est l'arrestation. Après bien des difficultés, Guillet se décide à m'ouvrir. Il est en pyjama, étriqué, maigrelet, la barbe en broussaille. Il se refuse à me suivre et il me faut le déposer de force dans un taxi pour l'amener à mon bureau. Mon Dieu, la police! Lucien! L'homme de Gambé n'est pas arrêté seul. Une toute jeune femme a passé la nuit en sa compagnie. Or, dès qu'elle a vu les inspecteurs, elle s'est évanouie. après avoir retrouvé ses esprits, elle accepte de répondre aux questions de la police. Nom, secret. Prénom, Fernand. Âge, 26 ans. Profession, artiste lyrique. Bien. Et cet homme, qui est-il? C'est Lucien. Lucien Guillet, dit-elle. Ils se sont rencontrés dans un tramway en 1917, près du parc du Luxembourg. C'est lui qui lui a fait la cour. Selon elle, il est industriel, propriétaire d'une auto, d'un garage à proximité de Paris et d'une maison en campagne. Ils ne vivent pas encore ensemble car ils ne sont pas encore mariés. Mais il le lui a promis, c'est pour la vie. L'homme recherché, lui, est moins bavard. A-t-il des papiers? Non. Les bombardements de 1917 auraient détruit son livret militaire. La guerre a bon dos, surtout quand elle est appelée au secours d'un homme qui ne l'a pas faite. Connaît-il Mesdames Collomb et Buisson? Oui, répond-il de la tête. Bon, très bien. Mais sait-il où elle se trouve? Non. Et selon lui, il n'est pas là pour faire le métier des policiers. Serein, calme, taquin même. Drôle de type, ce monsieur. Vous êtes très méticuleux, dites-moi. Ce carnet est tenu à la perfection. Pour percer ses secrets, les inspecteurs se plongent d'abord dans les deux petits carnets trouvés sur l'individu. Les carnets personnels sont toujours des pièces importantes pour la police. En tournant ces pages, on espère y voir le reflet de l'individu, ses pensées heureuses ou sombres, ou les deux. La première lecture est toujours un peu difficile. C'est comme découvrir une langue étrangère avec sa grammaire et sa syntaxe. Ici, l'écriture est ramassée. La langue est sèche, des mots sans verbe, des chiffres, des traits. Les policiers tournent les pages, une à une. Et il y a là des noms de lieux, des listes d'achats, du charbon, des si. L'homme semble maniaque, méticuleux. Il note même les tickets de train achetés. Puis soudain, les inspecteurs repèrent les deux noms des disparus, Collomb et Buisson. Ils sont accrochés à une liste plus longue de 11 noms. Cuchet, idem. Brésil, Havre, Bablet, Éon, Jo, Pascal, Marchadier, Cuchet, idem. Brésil, Havre, Bablet, Éon, Jo, Pascal, Marchadier. Certains noms sont associés à des dates et à des heures. 12 avril 1917, 1er septembre 1917, 26 novembre 1917, 4h, 10h15, 17h15, 1er septembre 1917, 4h, 1910h15, 17h15. Alors, s'agit-il d'autres disparus? Avant de chercher le passé de ces femmes, il faut connaître l'identité véritable de cet homme. Dans l'appartement de la rue Rochechouart, les inspecteurs tombent sur une quittance de loyer d'un garage situé à Clichy, loué à un certain Landru. La quittance dans la poche, un inspecteur part vérifier ce nom dans les sommiers judiciaires constitués des fiches cartonnées des inculpés et condamnés en France. I.J.K.L. L.A.N. Landru. Landru Henri Désiré, né le 12 avril 1869. Il a donc pile 50 ans. Il a déjà été condamné à 8 reprises pour vol, escroquerie, dont une au mariage. Recherché par la police, il est relégable. En d'autres termes, promis au bagne, l'horreur absolue. Sorte de camp de concentration à la française, univers de violence où l'espérance de vie n'est jamais très longue. Avant de cacher son passé, Landru, lui, se faussaire, espérait sauver son avenir. La photo du dossier confirme l'affiche. Landru s'avoue vaincu. C'est bien lui, l'homme de Gambet et du 76 rue Rochechouart, à Paris. En revanche, concernant les accusations de crime, il nie toute implication dans le malheur de ces deux dames, avec comme défense cette formule « Vous savez bien qu'un escroc n'est pas un assassin, s'il le dit. » Police, ouvrez ! Dans les heures qui suivent, les perquisitions se multiplient et les policiers vont de surprise en surprise. Dans le garage de Clichy, ils tombent sur un amoncellement de meubles, de papiers et d'objets divers. Dans les paniers et les malles, on trouve des vêtements féminins de toute taille, de tout style et marqués d'initiales différentes. Il y a aussi de la lingerie, des faux cheveux et même des dentiers. Des bouts de vie en désordre, jetés là comme après des funérailles. Tout l'inverse du contenu de la cantine cadenassée située dans un recoin de ce garage. À l'intérieur, il y a des dossiers étiquetés, classés et rangés, dans lesquels on trouve des petites annonces matrimoniales, découpées, mais aussi des lettres, des centaines de lettres de femmes qui semblent toutes amoureuses de cet homme. Ces dossiers renferment également des quittances de loyer, du gaz, de l'électricité. Et c'est ainsi que je puis identifier les 11 victimes de Landru. À chaque adresse ainsi obtenue, il m'était invariablement répondu. Bien sûr, Madame X, oui, j'ai bien connu. Oui, elle a bien demeuré ici. Mais elle est partie en province pour se marier avec un barbu. Je connais pas le nom de ce barbu, mais depuis ce jour, j'ignore ce qu'elle est devenue. C'est le barbu qui a déménagé les meubles de l'appartement. À mes nombreuses questions, Landru se borne à dire « Des maîtresses ? Bien sûr que j'en ai eu. Vous aussi, n'est-ce pas ? Pouvez-vous me dire, Monsieur Belin, ce que sont devenues vos maîtresses ? Et puis, vous oubliez que vous touchez, là, le mur de ma vie privée. » Tandis qu'il me résiste, on m'apporte un pneu arrivé le soir même à son adresse. Une femme qui s'est nini lui fixe rendez-vous. Pour le lendemain dimanche, pour se rendre avec lui à Gambé, cette femme qui ne s'est jamais fait connaître vient sûrement d'échapper à la mort. Le 14 avril, les inspecteurs pénètrent pour la première fois dans la propriété de Gambé en présence d'Henri Désiré Landru. Elle est isolée du village, entourée de champs. Il y a une maison principale et des dépendances. Le tout est un peu vétuste. À l'intérieur, les enquêteurs trouvent peu de mobilier et d'effets personnels. Mais il y a une malle, provenant de Bayonne, avec des initiales, CL. « Est-ce à vous ?» demandent les policiers à Landru. « Oui, je l'ai acheté à Célestine Buisson. Savez-vous où elle se trouve, désormais ?»« Ben, je n'en sais rien. Cherchez !» rétorque Landru. Dans cette maison se trouve une vaste cuisine pauvrement agencée. Au-dessus du foyer, quelques conserves, des lampes à huile, une cafetière, une petite cuisinière, modeste. Il y a aussi une cave, assez grande celle-là, où est disposée une table en briques et en béton. Bon, rien de bien intéressant. Mais dans l'un des hangars, sous des feuilles, les inspecteurs trouvent enfin quelque chose. Les cadavres de trois chiens, la corde au cou. Landru reconnaît les avoir tués. Eh bien, le soir, il est inculpé pour assassinat au pluriel. Trois cadavres, deux assassinats. Telle est l'information que les Français découvrent dès le lendemain de l'arrestation de Landru dans la presse de tout le pays. À partir de cette date, l'affaire fait la une et ne la quittera plus, jusqu'à éclipser les négociations du traité de Versailles. Le petit Parisien est le premier à nommer Landru le barbe bleue de Gambé. Parmi les journalistes qui l'ont vu, Claire Guyot, qui le croise dans le couloir du juge d'instruction. C'est encore le jour de mon enquête imprévue sur les découvertes macabres faites à Gambé que je vis Landru alors qu'il sortait du cabinet du juge d'instruction. Il ne me parut pas très grand, mais râblé, large calvitie, et puis cette barbe soigneusement taillée et débordant en carré sur le haut de la poitrine. On raconte que Landru avait un regard fuyant, mais je vous assure que quand il vous regardait, il avait des yeux extrêmement perçants, n'est-ce pas ? Des petits yeux noirs qui brillaient dans votre regard. Landru, Landru, Landru, vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru, Landru, ton crâne et ton poil de rue ont fait tomber bien plus d'un prix de vertu. C'était, je crois, en 1923 que ton procès eut le succès que l'on sait. Landru, Landru, dommage qu'elle t'ait cru, toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi. Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais: venez ma douce amie, allons vite à Gambé. J'ai une petite villa, rien que monter des cendres, et là celle montait et descendait en cendres. Landru, Landru, de quel bois te chauffes-tu? Ton four fait de la fumée sous la verte ramée. Landru, Landru, un ramoneur est venu, il a dans ta cheminée trouvé un nez calciné. Pendant le verdict, pas un mot, pas un tic, énigmatique, tu restes hiératique. Landru, Landru, en jaquette, en bottine, il y a une veuve qui t'a eu la guillotine. Landru, Landru, on prétend qu'on t'a vu en bon petit vieux grand-père vivant à Buenos Aires. la barbe rasée et la moustache frisée. Plus rien de l'homme d'alors, c'est ça la mort. Disons tout de suite qu'en 1928, ce genre d'histoire était facile à croire. Landru, Landru, tout passe avec le temps. À présent, tu ne fais plus peur aux enfants. Mais tu séduis pourtant bien des grands-mamans. Et de Blue Castel la Tarbe, elle rêve de ta barbe et de son poil dru, vieux Landru. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Landru. Affaires Sensibles. Quelle puanteur! Je me demande ce qui fait brûler dans sa cheminée le nouveau locataire. Et nous avons eu des plaintes. Plusieurs femmes ont disparu dans les mêmes conditions. Et le signalement de l'homme est toujours le même. Petite taille, chauve, barbu. Mais jamais le même nom. Fabrice Drouel. Dès son arrestation en avril 1919, Landru est devenu célèbre. Il est partout. Dans les journaux, on découpe son image, on la dessine, on la caricature. Cette barbe et ses sourcils épais entrent dans l'imaginaire des foyers français. Dans ce tumulte médiatique, l'avocat Moreau Ghiafferi, l'un des plus célèbres de Paris, propose gratuitement ses services à l'accusé. C'est gentil, merci. Landru accepte. Pour les magistrats et les enquêteurs, tout reste à faire. Qui sont ces 10 femmes dont le nom est annoté sur le carnet? Et surtout, où sont-elles? Et puis à qui appartiennent tous ces meubles, vêtements et papiers retrouvés aux différentes adresses de Landru? Et ce n'est pas tout. Jour après jour, des lettres venues de toute la France, des compagnons et d'amis de ces femmes disparues, arrivent par dizaines à la Sûreté Générale. Dans chaque village où l'une d'elles a disparu, on pense à Landru. Il faut alors vérifier scrupuleusement. Parmi ces témoins qui se signalent, des femmes, des sœurs souvent. Parmi elles, Madame Friedman. Cet homme, sous le nom de Diard, a fait la connaissance de ma sœur, Madame Jeanne Cuchet, en avril 1914. Il a réussi à capter sa confiance, lui a fait des promesses de mariage, l'a invitée dans sa villa de Vernouillet où elle était rejointe par son fils Jean. Diard s'intéressait à ma sœur parce qu'elle avait du bien. Depuis janvier 1915, nous sommes sans nouvelles d'elle et de son fils. Cuchet, les noms indiquaient tout en haut de la liste du calepin de Landru. Jeanne et son fils André sont ses premières victimes, ceux qui ont fait de lui un assassin. Le drame s'est probablement déroulé à Vernouillet, dans la première maison de campagne du Faussaire. Dans les mois qui suivent, deux autres femmes vont disparaître après avoir séjourné dans ce lieu. Mais avant ses premiers crimes, qui était Landru ? Marié, père de 4 enfants, il a exercé des dizaines de métiers. Couvreur, plombier, employé de commerce, comptable, mécanicien. Sa carrière d'escroc débute au début du siècle. Parmi ses coups, on peut évoquer son affaire de bicyclette à pétrole, la Landru. Pour l'acquérir, chaque client avançait un tiers du prix. Évidemment, jamais personne n'est monté sur ce vélo. L'arnaque au mariage, elle, débute en 1909 par une petite annonce déposée dans un journal du nord de la France. L'idée est la suivante. Cibler une femme seule avec des biens, lui faire la cour, lui demander sa main, récupérer ses biens, puis s'évaporer avant d'avoir dit oui devant monsieur le maire. Mais l'affaire tourne court, parce que la soupirante alerte les autorités. Landru, encore novice, est attrapé et condamné. À la veille de la guerre, après de nouveaux larcins, il est recherché pour être envoyé au bagne. Les hommes partent au front, lui reste à l'arrière. 4 années durant lesquelles il tisse l'étoile de ses vies parallèles à la recherche de veuves ou de femmes seules. Pour cela, il répond à certaines annonces matrimoniales et en publie lui-même quelques-unes. Le Petit Journal, 1er mai 1915. Mâle, 45 ans, seul, sans famille, situation 4000. Propriétaire, désir épouser dame, âge, situation, rapport. Référence, CT 45, JAL. Le 16 mai 1915, Anna Collomb lui répond. J'ai 39 ans, veuve, sans enfant, et pour ainsi dire sans famille, puisque sous peu elle quittera Paris. Je gagne 2100 francs par an dans un bureau, et étant économe et assez adroite, je suis parvenue à faire quelques économies qui, avec le petit peu que j'avais quand mon mari est mort, s'élèvent à 8000 francs. La dot semble intéressante. Alors Landru prend la plume. Pour elle, il se présente comme directeur d'une usine à Montmartre. Ils se rencontrent, deviennent amants. Les mois passent, aucune violence, aucun heurt. Au contraire, Landru est attentionné, un peu cachotier certes, mais galant homme. Et quand ses absences se prolongent sans raison, il arrive toujours à se faire pardonner. Voyez-vous, les affaires de monsieur lui prennent beaucoup de temps. Surtout qu'il ne cesse d'en rencontrer, des dames, 283 en tout. Des femmes qu'il voit à plusieurs reprises afin de sonder autant leurs économies que leurs familles. 283 sur des milliers de femmes qui lui ont écrit. Des lettres qu'il classe dans des dossiers intitulés « à répondre de suite » ou « sans suite » ou « soupçon de fortune » voire « en réserve ». Fausser amant est un emploi à plein temps. Le soir, il range, il écrit, il imagine, il mesure tout et estime sa chance de gain comme de vie. Alors est-il devenu riche? Eh bien, pas vraiment. Mais en tout cas, cela lui permet de vivre jusqu'à la prochaine rencontre et de faire croire à des vies parallèles. En 1914 et en 1919, il loue ainsi 7 appartements à Paris, 4 en banlieue. Il dispose de 5 garages, ateliers et garde-meubles, ainsi que de 2 maisons campagne. Il mène plusieurs aventures en même temps. En 1915, 3 femmes espèrent se marier avec lui. Alors, quand décide-t-il de les tuer? Mystère. En tout cas, avec Anna Collomb, la romance dure plus d'un an. Mon petit chéri, demain je me repose. Je ferai la grasse matinée. Viens me réveiller. À bientôt, mon chérubin. Celle qui t'aime. En décembre 1916, Landru accepte même la présence de sa sœur à Gambet. Au voyage suivant, Madame Collomb disparaît. Landru vend ses biens. Est-elle morte? Et si oui, où se trouve son corps? C'est l'une des questions centrales de cette affaire, une question que pose lui-même Landru aux inspecteurs. Le 28 avril 1919, une nouvelle piste s'ouvre. Est-ce que je vous en prie? Le suspect Landru est sous mandat de dépôt. De très lourdes charges pèsent contre lui pour la disparition de 3 femmes. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Vous pouvez avoir des noms? 3 femmes, l'enquête va se poursuivre, vous aurez des informations plus tard. À Gambet, l'information court dans tout Paris. Ce matin-là, ils sont plus de 300 journalistes devant la maison des crimes pour l'arrivée de Landru. Mais il est absent. Au sein de la délégation, les inspecteurs, les procureurs, le juge d'instruction ainsi que le docteur Paul, médecin légiste, sont mobilisés. La villa est passée au crible et dans un tas de cendres du hangar, on découvre un premier fragment blanchâtre, comme un os. Puis, dans le foyer de la cuisinière, d'autres fragments sont trouvés. Et là, le docteur Paul est catégorique. Il s'agit de restes d'un crâne humain. Le légiste repart avec 4 kg et 176 grammes de débris calcinés. Le lendemain, les journaux du pays et à l'étranger titrent sur ces découvertes macabres. Et l'imagination fait le reste. Dans le journal du 30 avril 1919, on peut lire ces phrases sous le titre « Le fourneau de Landru ». Il paraît établi que Landru brûlait ses victimes. Mais on se demande comment il opérait, car la cuisinière est trop petite. Et de plus, il ne disposait pas de la quantité de charbon nécessaire. On a pensé que peut-être il avait pu employer un de ces chalumeaux puissants dont on se sert couramment pour la soudure des métaux. Landru, mécanicien, savait certes manier un appareil de ce genre. C'est une hypothèse, mais elle est plausible. Oh, des hypothèses, il y en aura beaucoup, notamment celle selon laquelle Landru serait innocent. Que ce serait un coup monté par l'État pour ne pas parler des négociations de paix à Versailles. Ça complote dans la presse. Le 28 juin 1919, pour la première fois, la cheminée de la villa de Landru rejette de nouveau de la fumée. Dans le foyer de la cuisinière, une tête de mouton et un gigot de 7 livres. Après plusieurs heures, tout a disparu. Le four est certes petit, mais il détruit tout. Alors si la scène du crime se limite à ce foyer, bon courage aux policiers. Qu'à cela ne tienne, après 2 ans d'instruction et sans avoir jamais retrouvé la trace des 11 disparus, le procès d'Henri Désiré Landru s'ouvre. J'arrive de Versailles. Oui, j'arrive de Versailles et je viens de voir le procès Landru. Oh, Ah, quelle barbe! Pas le procès, mais Landru. Novembre 1921, Versailles. Dès l'aube, la foule s'est amassée devant les grilles de la cour d'assises de Seine-et-Oise. Journalistes français et étrangers, photographes, dessinateurs, écrivains et simples badauds, célèbres ou non, cherchent une place où s'asseoir. Parmi eux, l'écrivaine Colette, qui tient pour le quotidien Le Matin la chronique judiciaire du procès. Dans son premier article, intitulé « Voici Landru », elle s'interroge. La foule n'émettra jamais d'opinion unanime sur Landru. L'homme aux 50, non, l'homme aux 283 aventures féminines, même sans bouger et avant qu'il ait parlé, est déjà proté. Séduisant ce séducteur ? Correct, certainement. Faunesque, verlénien, comme on l'a décrit ? Non, ni génial, ni difforme. Au-dessus des vertèbres maigres du cou, le crâne est beau et peut couver l'intelligence, qui sait, l'amour. Je cherche en vain, dans cet œil profondément enchâssé, une cruauté humaine, car il n'est point humain. C'est l'œil de l'oiseau, son brillant particulier, sa longue fixité, quand Landru regarde droit devant lui. Mais s'il abaisse à demi ses paupières, le regard prend cette langueur, ce dédain insondable qu'on voit au fauve encagé. Je cherche encore, sous les traits de cette tête régulière, le monstre, et ne l'y trouve pas. A-t-il tué ? N'a-t-il pas tué ? Nous ne sommes pas prêts de le savoir. J'observe sa respiration. Elle est lente, égale. Il extrait de son par-dessus noisette des papiers qu'il lit et annote et dont les feuillets ne tremblent pas dans sa main. Je crois que nous ne comprendrons jamais rien à Landru, même s'il n'a pas tué. Colette. Monsieur le Président, vous auriez préféré trouver sur la première page de ce carnet dont vous faites si grand cas une déclaration ainsi conçue ? Le sous-signé Landru reconnaît avoir assassiné les 11 femmes dont les noms suivent. Ça suffit. Silence. Le silence est suspendu. Elle reprendra dans une heure. Aux questions du président face aux différents témoins qui se succèdent à la barre, Landru reste fidèle à son image. Serein et sarcastique, il clame son innocence avec un sourire en coin. À ses côtés, deux avocats, Maître Moreau Gafféry et Navert Dutreuil, deux ténors du barreau qui ont accepté de plaider l'innocence, les premières audiences reviennent sur la vie de Landru, de l'escroc. Puis vient le temps des disparus. Jour après jour, le public et les jurés découvrent le parcours des dames de Landru, des femmes seules et isolées dans la France de la Belle Époque, puis de la Grande Guerre. Des femmes qui ont eu le malheur de rencontrer cet homme qu'elles aimaient tant. Face aux témoignages des familles qui évoquent leurs absences, Landru reste muet. Au cours de la 16e audience, les hommes de science entrent en scène. Le silence accompagne la déposition des experts, dont celle du docteur Paul. Sur les 295 fragments humains retrouvés, 150 proviennent du crâne ou de la face, 8 de la colonne vertébrale, 4 de l'avant-bras, 65 de la main, 21 du pied et 47 sont des dents. Il s'agirait de 3 cadavres, sans doute des femmes. Les cerveaux ont été retirés des crânes, il manque les bustes et les bassins. Quand le président demande à Landru une réaction à ces éléments, il répond « Je ne puis discuter avec un expert aussi compétent que le docteur Paul. » La salle sourit et certains rient. Et chaque jour, c'est le spectacle. Les journalistes notent et les dessinateurs croquent, comme André Gallon du Petit Journal. Quand le président lui dit la fameuse phrase, mais alors Landru, voyons, cette femme est partie avec vous, vous avez pris un billet d'aller-retour. Et un billet d'aller simple. On l'a vu avec vous arriver. Vous êtes reparti seul 2 jours après. Qu'en avez-vous fait ? Là-dessus, il levait son doigt. C'est là où nous l'avons dessiné combien de fois. Levait son doigt d'un air doctoral en disant « Monsieur le Président, c'est le mur de la vie privée. Enfin, » C'était absolument... Alors, à la fin, le président Gilbert disait « Oui, je sais, le mur, le mur, le mur. » C'était assez drôle. Maintenant, au point de vue pittoresque de la salle, on n'a jamais vu ce que nous avons pu voir depuis, car les gens s'asseyaient par terre. On a vu toute la comédie française assise par terre, chevalier, bistinguette, etc. Et les gens ne s'en allaient pas sous ces sonnets-là, de peur de perdre leur place. Et alors surtout qu'il y avait là les pièces à conviction, n'est-ce pas? Et chaque fois, ça changeait, bien entendu. Oui, avec chaque femme, il y avait... Chaque femme. Eh bien, il y avait évidemment les fausses perruques et puis les épingles à cheveux qu'on avait retrouvées, mais il y avait aussi une salle à manger en rayure entière. On importait là, n'est-ce pas? Il y avait de tout. C'était effarant, n'est-ce pas? Je ne vous cache pas que pour un dessinateur, c'était vraiment le rêve. Ces rires présents dans cet échange de l'émission Soyons témoins, datant de 1956, n'ont rien de surprenant. Dès le printemps 1919, le rire accompagne le nom de Landru et de ses victimes. 11 personnes ont disparu, probablement découpées et brûlées, et on en rit. Oui, la légèreté de certaines plumes de la presse n'est pas étrangère à cette comédie. Landru aime tellement que le public réagisse à ses petites phrases. Le 30 novembre 1921, c'est la dernière journée de ce procès, c'est l'heure du verdict. Landru s'exprime une dernière fois et jure qu'il est innocent des crimes dont on l'accuse. Dans la salle, l'inspecteur Belin patiente. Jusqu'à sa fin, Landru continua à ergoter. Et à ironiser une question de l'avocat général Godefroy, il s'écria « Ma tête ! Vous parlez toujours de ma tête ! Je regrette de n'en avoir qu'une à vous offrir !» Apprenant sa condamnation à mort, après une brillante plaidoirie de maître de mort au Jaffry, il confia à celui-ci « Si j'avais pu être sauvé, maître, cela ne pouvait être que par vous. Que voulez-vous ? Dans toutes les batailles, il y a des morts. » Puis, sans émotion apparente, il quitta le box pour la dernière fois en boutonnant méticuleusement son petit pardessus jaune, après s'être assuré que ses lunettes étaient bien dans ses poches. Même condamné à mort, Landru espère encore sauver sa tête grâce à la cassation et à sa demande de révision. Dans le même temps, il reprend la plume. Dans sa prison de Versailles, il prépare plusieurs lettres et paquets. Pour l'un de ses avocats, il dessine la cuisine de Gambet et inscrit comme légende la déclaration d'un témoin. Landru m'a dit qu'on pouvait brûler tout ce qu'on voulait. Une autre lettre, très longue, a pour destinataire l'avocat général. Lettre dans laquelle Landru revient sur le procès et sur son jugement. Vous m'avez fait demander si je n'avais pas de déclaration à faire. Vous sentiez le besoin de vous rassurer vous-même. Qu'aviez-vous à faire de mes déclarations si vous étiez sûr de ma culpabilité? Et pourquoi aujourd'hui encore faites-vous rechercher ces disparus si vous êtes certain que je les ai tués? C'était fini. La sentence est tombée. J'étais calme. Vous étiez bouleversé. Il y a donc une conscience qui trouble les juges incertains, comme elle doit torturer le coupable. Adieu, monsieur. Notre commune histoire se terminera demain, sans doute. Je meurs l'âme innocente et tranquille. Veuillez recevoir, avec mes respects, mes souhaits que la vôtre soit de même. Landru. Le 25 février 1922, à 6h10, Landru est exécuté. Quelques mois plus tard, la cuisinière de l'assassin est vendue aux enchères. Elle serait aujourd'hui dans la cuisine de la maison secondaire d'un célèbre animateur de télévision. Comme quoi, Landru et ses crimes font encore sourire, apparemment. Aujourd'hui, Landru, notre invité Gilbert Thil, bonjour. Bonjour. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes ancien magistrat, vous avez instruit notamment l'affaire Guy Georges, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le monde et l'histoire judiciaire. Le dernier a pour titre « Tueur en série Made in France ». Ah, c'est un gros livre, hein, dites donc, quel boulot, hein, 715 pages. Mon sens de la synthèse s'émousse avec l'âge. Alors, parmi les personnages que vous présentez et sur lesquels vous écrivez, il y a évidemment Landru, qui est le second d'une liste macabre. Avant de revenir sur ces crimes, parlons de Monsieur Landru et de son parcours judiciaire, précisément. Parce qu'avant, ces femmes qui ont disparu, c'était un petit délinquant, quand même. Oui, et ça pose même le problème de la récidive, Landru. Tout à fait. C'était un homme pas très catholique. D'ailleurs, il avait aspiré à un moment à faire le séminaire et il a été enfant de cœur et sous-diacre de la paroisse de Saint-Louis en Lille. Non, à côté de l'île de la Cité, quoi. Mm-hmm. Et ses parents avaient envisagé qu'il devienne religieux, et puis il a bifurqué. Il a bifurqué à compter du début des années 1900. Il est né, vous l'avez rappelé, en 1869. Il va se caractériser par une série d'escroqueries qu'on pourrait qualifier en série. Mais c'est un escroc assez médiocre, finalement, parce que il suffit pas de changer d'identité, d'utiliser des identités usurpées pour se mettre à l'abri des poursuites. Sa première condamnation, elle intervient pour son histoire de bicyclette à pétrole qu'il avait nommée avec beaucoup de modestie la Landru. Donc c'était un garçon qui avait quand même pas mal de confiance en lui-même. Donc il sera condamné là, au mois de février 1902. D'abord à une peine de 3 ans, mais c'était par défaut, et sur opposition, elle sera ramenée à 2 ans. Et après, si on regarde de 1902 à 1914, il sera condamné à 7 reprises. La dernière fois, il ne se présentera pas, parce que la justice l'avait dûment averti que la prochaine fois, ce serait la relégation, c'est-à-dire la déportation. Ouais. Perpétuel au bagne. Donc, comme il avait manifestement pas un goût de l'exotisme, à sa 7e condamnation, il ne s'est pas manifesté et il est entré dans une forme de clandestinité, mais continuant, après une escroquerie au mariage qui là aussi avait échoué avec Madame Isoré, c'était 1 ou 2 ans avant sa dernière condamnation. Donc, il va calquer un peu cette démarche d'escroc pour essayer de séduire les femmes et c'est essayer ça. De les déposséder de leurs biens. C'est pas des pulsions sexuelles et criminelles, en fait. Ces femmes, ils veulent leur bien. Leur bien matériel. Il y a la cupidité de Landru, qu'on retrouve d'ailleurs dans son carnet où il notait toutes ses dépenses. Ses scies qu'il achetait, le charbon qu'il achetait, les billets de train. C'est comme ça qu'on s'est aperçu lorsqu'il partait en week-end, soit à Vernouillé pour les premiers mois de l'année 1915, soit ensuite à Gambé, eh bien, il achetait un aller simple pour lui et un aller simple pour la dame. Alors, il expliquera à l'audience qu'il pouvait pas les mettre dehors de bon matin quand lui retournait sur Paris et il les laissait profiter de la campagne des Yvelines et de la forêt de Rambouillet pour se reposer un peu. Après des nuits qui étaient très agitées, mais enfin qui se terminaient quand même manifestement dans sa cuisinière. Sa cuisinière, qui a été le témoin principal du procès. Elle a été là pendant toute l'audience et elle a dû forcément interloquer quelque peu les jurés. Qui n'étaient que des hommes à l'époque. Hein. On est en 1922, lorsqu'il est jugé, les femmes n'ont pas encore la pleine citoyenneté, donc elles ne peuvent pas être tirées au sort pour participer au jury d'assises. En tant qu'ancien magistrat, est-ce que ça vous met mal à l'aise qu'on ait condamné un homme à mort alors qu'on n'a pas retrouvé les corps? On a retrouvé des os, on a retrouvé des choses, des éléments matériels qui peuvent faire office de preuve, effectivement. Enfin, on ne retrouve pas les corps. Non, qui sont des preuves. Il ne suffit pas de faire disparaître un corps, parce que je peux vous dire que là, on serait en route pour un bain de sang absolument collectif. On n'aurait jamais condamné un certain nombre de mafieux qui ont fait couler dans le béton de leur propriété ou de leurs acquisitions immobilières en construction un certain nombre de rivaux. J'ai moi-même été confronté pendant plusieurs années à la problématique de l'absence de corps d'un nommé Bernard Etier qui avait disparu et qui était l'ancien compagnon de Simone Weber. Alors je connais le discours qui m'a été tenu par Maître Garot, par Maître Vergès, mais il est parti avec une femme. Simone Weber utilisait un langage beaucoup plus cru en disant il est parti avec une... et il va revenir un jour ou l'autre. Il se trouve qu'il a disparu en 1985 et qu'aujourd'hui encore, on attend toujours avec une impatience non dissimulée son retour. Eh bien, pour Landru, non, ça ne me met pas mal à l'aise. Mm-hmm. De la même façon que ça n'a pas dû mettre très mal à l'aise les jurés de l'affaire du docteur Petiot, autre période extrêmement troublée de l'histoire de France, parce que ils ont été aussi confondus tous les deux. Vous avez évoqué la découverte du garage de Clichy, des effets vestimentaires, voire des dentiers, des victimes. Et puis, quand il y a une expertise qui est menée avec la cuisinière par le docteur Paul, et après les expertises ultérieures, on va d'abord devoir distinguer les os d'origine humaine de ceux d'origine animale. Et on va pouvoir établir, et les experts qui sont intervenus avec notamment un des responsables du jardin des plantes qui était un spécialiste des animaux, on va arriver par établir qu'il y a des ossements humains. Et chez Landru, dans le garage, on retrouve des effets qui appartiennent aux victimes, et avec le docteur Petiot, on va retrouver une cinquantaine de valises qu'il avait dissimulées chez un de ses amis qui était un réparateur de bicyclettes à quelques encablures de Paris. Bien, alors, Petit, c'est pas n'importe quel criminel. Petit, je pense à Petiot. Landru, c'est pas n'importe quel criminel, il est célébrissime. Je vous propose d'écouter le président Brouchot, juge suppléant au parquet de Versailles lors du procès de Landru. Il évoque le caractère du bonhomme. C'est un extrait des dossiers de l'écran du 4 mars 1970. Je considère le Landru comme ayant été un monstre d'insensibilité. Et d'insensibilité pour sa personne même. Par conséquent, pour la personne des autres. Et ce qu'il prouve, c'est par un petit incident tragicomique, mais plus tragique peut-être que comique, qui s'est produit le jour de son exécution. Comme d'ailleurs pendant tout le procès, cet homme, à qui on reprochait des crimes épouvantables, gardait un calme imperturbable. Et ce qui nous a surtout frappé, c'est que, après qu'on lui avait annoncé le rejet de son corps en grâce, il n'a absolument manifesté aucune espèce d'émotion, et qu'il a même demandé 5 minutes pour faire sa toilette, je précise, pour se laver les pieds. Vraiment. Vraiment. Enfin, qu'un homme puisse faire une réaction pareille, je répète, c'est un monstre d'insensibilité. Vous partagez ? Oui, parce que tous les tueurs en série n'ont absolument aucune empathie pour leurs victimes, qu'ils chosifient, soit à la suite d'une pulsion sexuelle initiale, soit alors par calcul, parce qu'il va faire disparaître quelqu'un dont il va se spolier de ses biens, ce qui est le cas de Landru. Mmh. Mais si on fait la comparaison avec le docteur Petiot pendant le second conflit mondial, eh ben lui-même, alors qu'il encourait la peine de mort, qui lui a été infligé à lui aussi, eh bien, il s'endormait à l'audience. Vous en trouvez beaucoup, des potentiels condamnés à mort qui piquent un petit roupillon dans la salle d'audience, et pire encore, parce que ça relevait carrément de la faute professionnelle. Son avocat, Maître Fleuriot, dormait aussi pendant l'audience du procès d'assises. Oui, ça lui est arrivé. Ça devait être une sorte de narcolepsie contagieuse. Et d'ailleurs, il était complètement endormi, Maître Fleuriot, qui était pourtant un de nos grands ténors, oui, puisqu'il n'a pas discuté véritablement, pour Petiot, les conclusions des experts psychiatres, alors qu'il était établi que le docteur Petiot, déjà à l'époque où il était maire d'une petite commune de Lyon, avait quand même de sérieux problèmes psychiatriques. Donc, il y a des mystères. Mais monstre froid, absolument aucune empathie pour les victimes, c'est la caractéristique de tous les tueurs en série. Et l'avocat général, Godefroy, a eu énormément de mal lorsqu'il a dû prendre ses réquisitions, parce que Landru, qui n'avait aucune empathie pour les autres, il avait réussi à susciter la sympathie du public, de l'auditoire, donc il a dû, pardonnez-moi l'expression, elle est un peu triviale, mais ramer beaucoup pour essayer de rappeler qui étaient ces victimes, quelles avaient été leurs souffrances et les souffrances de leur famille, parce qu'autrement, il était un peu le guignol, quoi, qui avait un bon mot. Lorsque le président, un jour, a menacé de suspendre l'audience et a dit, si ça continue comme ça, je renvoie tout le monde chez soi, Landru s'est levé, il a dit, Monsieur le Président, pour ma part, ce ne sera pas de refus. Voilà. Bien, alors, dans votre livre, vous faites le portrait, vous racontez les histoires de plusieurs tueurs en série français, hein, les Made in France. Oui, il y en a un que je trouve très très intéressant, c'est l'histoire de François Vérove, surnommé le Grêlé, qui a vécu pendant plusieurs décennies absolument tranquille, jusqu'au jour où l'ADN est arrivé, qu'il a été confondu et qui nous renvoie une notion relativement nouvelle, celle des cold cases, qui finalement n'ont pas vocation à rester froids. Et je crois qu'il y a des sections policières spécialisées justement dans le oui. cold case. Ce François Béroff, dit Le Grélet, c'est vraiment, c'est emblématique de tout cela. Oui, alors d'abord parce que c'est une affaire qui n'a pu être résolue que par les progrès de la science et Absolument. De la technique appliquée aux disciplines judiciaires. Sans ADN, François Béroff serait toujours de ce monde puisqu'il s'est suicidé oui. une fois qu'il risquait d'être confondu. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque dans le domaine des tueurs en série, c'est que lorsque quelqu'un fait partie d'un corps qui est justement chargé de lutter contre le crime. Alors Béroff a été, je crois, d'abord garde républicain, après il oui, était gendarme et policier. Policier. À cheval, eh ben, policier vous, à cheval. Vous prenez l'affaire du gendarme Lamar, qui était un tueur en série, qui est toujours interné, on est à la fin des années 80, là. Lorsque la hiérarchie de la gendarmerie commence à se dire ce serait peut-être bien lui, il y a beaucoup de réticences qui se font jour. On a toujours quelques difficultés à enquêter contre son propre corps. Alors, l'inspecteur Belin, qui a enquêté sur Landru, a été en proie aux pires difficultés, parce que sa hiérarchie qui n'y croyait pas, qui disait, mais finalement, on est dans une époque effectivement très troublée, où toutes les institutions de la République ont été largement démantelées par la Grande Guerre. Donc, quand il se lance sur cette piste-là, non seulement sa hiérarchie n'y croit pas, et puis vous savez bien que la hiérarchie j'ai toujours raison, mais de surcroît, pour l'empêcher de travailler, on lui donne, et il écrit dans ses mémoires, des tas de dossiers annexes pour essayer de le noyer. Et l'inspecteur Belin était têtu, il se disait que lui, je ne peux pas m'en empêcher, il avait des biscuits, voilà. Il est un peu content de lui aussi, Belin. Oui, ben, il pouvait ce qu'il l'être, dit, là. Parce oui, qu'il a, dit, oui. il a tiré ce fardeau vers la lumière presque à lui tout seul. Quand vous reparlez de Landru, c'est très bien, je vais y rester pour le coup, avec une dernière question sur son cas. Le fait que ça se passe pendant la guerre a une importance Oui, bien sûr, parce que le pays est dévasté, il y a des tas de gens qui disparaissent, de la même façon que Petiot, lui, utilisera également le chaos du second conflit mondial pour monter son commerce d'élimination. Celui de Landru, c'était un commerce de séduction-élimination. Et appropriation des biens. Alors effectivement, la police a d'autres chats à fouetter, la gendarmerie nationale aussi, à la fin de la guerre 14-18, avec le bain de sang que ça a représenté, et avec des femmes qui, pour l'essentiel, étaient veuves, ou étaient sans nouvelles de leur mari parti au front, ou étaient veuves, et qui, pour certaines d'entre elles, avaient dû assurer leur subsistance en allant travailler à la place des hommes dans les usines, et notamment dans les usines d'armement. Alors le crime et la criminalité ne peut jamais être distinguée, c'est pas une structure en l'air, comme ça c'est comme la justice, elle ne peut pas être distinguée et de l'air du temps. Toute dernière question, il nous reste une minute, hein. Sur Guy Georges, parce que vous avez instruit l'affaire, qu'est-ce que ça nous dit, Guy Georges, de l'histoire des tueurs en série en France ? Ben de la difficulté qu'on a à les identifier. On a fini par réussir avant que on ne se dote d'un fichier ADN, automatisé ADN, de la même façon que 10 ans auparavant, on avait eu énormément de mal à identifier, à mettre hors d'état de nuire Thierry Paulin, qui était l'assassin des vieilles dames, parce qu'on n'avait pas de fichier automatisé des empreintes digitales. Merci infiniment, Gilbert Sille. Ce sera c'est le moi qui vous dernier mot. Je voudrais remercier aussi Claire-Lise Gaillard, historienne, autrice de Pas sérieux s'abstenir, histoire du marché de la rencontre entre le 19e et le 20e siècle, CNRS édition. Je la remercie parce qu'elle nous a aidé notamment à déchiffrer certaines petites annonces évoquées dans ce récit. Et c'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Landru, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot. Chaque bijou renferme un secret.